Ici Mario Fortin, maire de la ville de Normandin. Le mois de mai est décrété le mois de l'arbre et de la forêt. Il est important de souligner la contribution de la forêt à notre activité économique et de tout ce qu'elle apporte à nos communautés. La forêt, c'est des milliers de travailleurs qui chaque jour gagnent leur vie. C'est aussi la villégiature, l'environnement et le milieu de vie d'une multitude d'espèces. Il faut souligner les contributions de tous et chacun dans les efforts de développement durable et de conservation. Ça a été également le temps de confronter des prises de position négatives et mensongères de certains groupes d'activistes environnementaux sur nos modèles de gestion qui, selon eux, détruisent nos forêts. Je souhaite que tous les bénéficiaires touchés par cette ressource continuent leurs efforts, leurs discussions, leurs réflexions dans un esprit de développement durable qui permettront à nos générations futures de pouvoir profiter pleinement de nos belles forêts en santé. Le printemps est enfin arrivé et pour vous préparer pour la belle saison, le magasin Canadian Tire est fin prêt. Que ce soit pour les articles de piscine, tondeuse ou le centre du jardin qui ouvrira très bientôt, le magasin Canadian Tire a tout ce qu'il vous faut. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Adolbo-Mistassini, canadiantire.ca. Le magasin Canadian Tire tient à souligner le mois de l'arbre et de la forêt. La forêt, un des moteurs économiques de notre secteur. C'est la dernière chronique de notre ami Phil Desgagné. Phil, c'est saison de golf qui va commencer bientôt. Normalement, c'est toujours ça. Va autour du coin des Patriotes. Phil arrête. Il va nous revenir à la fin du travail. Salut, Phil. Salut. Phil, d'abord, j'ai posé la question sur les médias sociaux cette semaine, puis je veux te poser. Bonne ou mauvaise chose, ce qui se passe avec les Golden Knights? C'est sûr que c'est le fun, mais en même temps, tu sais, c'est un peu ridicule, là. Ben, oui et non. Moi, je pense qu'il faut regarder que la Ligue nationale de hockey a pris ses responsabilités au niveau de ce qu'on appelle une équipe d'expansion. Ouais. On leur a donné les moyens d'avoir un bon club de hockey dès la première année. Et je pense que c'est exactement ce qu'il fallait faire, avoir une bonne équipe de hockey pour bien lancer. Si, exemple, Las Vegas serait parti avec une équipe d'expansion, avait subi... sur les 80 quelques games, 60 défaites, seulement 20 victoires, il n'y aurait pas l'engouement qu'il y a actuellement pour une nouvelle franchise. Et deux, ça donnerait pas le goût également à des équipes de dire, de futures équipes pour l'expansion, de dire, ben là, t'as vu ce qui est arrivé, ça a pris 4 ans avant de bâtir un club, donc pas beaucoup d'intérêt à aller là puis perdre de l'argent pendant des années. C'est pas le cas avec Vegas. On a donné la chance, et je pense que ça... C'est le Bureau des gouverneurs et la Ligue nationale de hockey qui ont pris leurs responsabilités en disant « On va leur donner les moyens. Écoute, une franchise coûte plusieurs centaines de millions de dollars et on va donner à cette équipe-là la chance d'avoir un bon club de hockey pour gagner. » C'est exactement ce qui est arrivé. On leur a donné la chance. De dire qu'on pensait qu'ils se rendraient jusqu'ils sont rendus là, non. Il y a des surprises de ce côté-là. Mais il faut admettre que lors de cette expansion-là, le plafond salarial de certaines équipes ont fait qu'ils ont pris des ententes avec Vegas en disant « Repêche ce joueur-là, moi ça va m'aider dans mon plafond salarial. » Donc, on a laissé aller des très, très bons joueurs de hockey. Exemple, Emelin, que le Canadien a laissé aller. Il est encore dans les plans du Canadien. À cause du plafond salarial, on a décidé de laisser aller Emelin. Ouais. Mais eux autres se sont servis d'Emelin pour faire une autre transaction, pour avoir un meilleur positionnement avec la formation de Nashville. Donc, c'est toutes ces choses-là qui ont fait que, à Vegas, on était capable d'avoir un bon club de hockey. On s'est retrouvé avec un des meilleurs gardiens de but de la Ligue, Marc-André Fleury, ouais, qui venait de gagner 2 Coupes Stanley. Et à ce moment-là, cette équipe-là est bien partie. Donc, c'est un peu pourquoi, oui, c'est une surprise, mais je pense pas que c'est nécessairement ridicule. On s'attendait pas à ce qu'ils connaissent les résultats qui sont là, mais il faut donner crédit également à l'organisation, à George McPhee, faut donner crédit également à Gérard Gallant. Surtout. Ils ont fait un travail colossal avec cette formation-là, Danny. Mais Phil, c'est le fun, mais par contre, je vais te poser la question. Moi, plutôt, on sait très bien que c'est parce que Gary Bettman, il y avait Las Vegas, il fallait qu'il vende ce marché-là. Puis Las Vegas, c'est un marché très, très... il tenait beaucoup Gary Bettman. Puis s'il arrive avec une équipe d'expansion, c'est très dur. Est-ce que Québec aurait eu les mêmes dons? Mais moi, je pense que... à Québec, ça, c'est pas la même chose parce que le hockey, on connaît ça au Québec. Puis les fans étaient déjà vendus. C'est pas le cas de Las Vegas. C'est une plaque tournante de Las Vegas. C'est pas nécessairement toujours les gens locaux. C'est plus les compagnies qui ont acheté ça, qui qui vont vendre ça, lui donner ça ou vendre ça à leurs visiteurs. Donc, c'est un peu ça qui a fait que Las Vegas, c'est important qu'ils connaissent du succès. Deux, c'est une ville importante aux États-Unis. On voulait dans l'Ouest. Mais moi, je pense que demain matin, s'il y a une autre expansion à Seattle ou ailleurs, Houston, on va être obligé de donner les mêmes conditions gagnantes qu'on donnait à Las Vegas pour permettre à l'équipe de figurer dès le départ. Même à Québec, demain matin, si tu avais une équipe d'expansion, donne une équipe qui subit 60 défaites durant l'année, le monde, la première année, ils peuvent bien y aller. Mais après ça, ils vont dire, écoute-moi bien, là, allez voir perdre une équipe, là, puis se faire planter à tour de bras tous les soirs, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Oui. Pour la première année, oui, il y a de l'emballement, mais alors, à long terme, c'est pas gagnant. Là, à Vegas, ouais, avec les résultats qu'ils ont obtenus cette année, ben, j'ai le droit que l'an prochain, ce sera pas une difficulté de revendre des billets de saison à tout ce monde-là, parce qu'actuellement, je donne un exemple, hier, j'étais dans une soirée pour le Club Symphonique, et il y a quelqu'un qui me dit, moi, la semaine prochaine, je suis à Vegas. Mm. Je suis en marché de me trouver une paire de billets pour aller à un match de hockey là-bas. Il dit, c'est fou sur le marché, comment ça se vend, mais je pense que je vais trouver un moyen d'y aller quand même. Mais c'est un peu ça, là, actuellement, l'engouement qui se passe. Ben, garde, donc, l'an prochain, pour eux autres, là, il va être facile de repartir la machine. Ben, garde, j'ai parlé à Éric Lacroix, qui est l'analyste des matchs des Golden Knights. J'ai fait une entrevue avec il y a deux semaines, puis il me disait que les codes d'écoute, alors, parce que les autres, là, c'est NBC Sports, mais après le match, ils font des analyses, un peu comme l'antichambre, là, Éric Lacroix. Puis il disait que les codes d'écoute, c'était aussi fort que le Sunday Night Football à Las Vegas. Je parle pas en général. À Las Vegas, imagine-toi l'engouement qu'il y a actuellement. Wow. Deuxièmement, tu vois comme moi, le monde sont dehors, sont des rues. Ouais. Les gens vivent à l'ère actuellement des Golden Knights. Puis les joueurs là-bas, c'est des joueurs vedettes. Mais ils ont obtenu des bons joueurs, des Marc-André Fleury, des Perron, tu sais, des joueurs de qualité. Puis il y a eu des belles surprises à travers tout ça. Puis Gérard Gallant, là, imaginez-vous que, écoute, on l'a congédié en Floride, personne ne comprend encore pourquoi qu'on l'a congédié, parce qu'il connaissait du succès, puis ça a toujours été, depuis de nombreuses années, un instructeur qui est reconnu. Il va gagner l'instructeur de l'année comme Jacques Messier va gagner le DG de l'année. Ouais. Donc, bravo à cette équipe-là. Mais tout ce processus-là, Phil, je regardais, ça va même jusqu'à dans la Ligue nord-américaine. Il y a un processus d'expansion, puis les équipes qui ils veulent avoir un peu le même style que Robert Val. Je compare encore à Robert Val. Je vais te dire quelque chose. Mardi, j'écris là-dessus, la Ligue nord-américaine, et c'est les propriétaires qui ont ça entre les mains. Si les propriétaires veulent des équipes d'expansion, il va falloir qu'ils sacrifient des bons joueurs dans leurs équipes pour permettre à ces équipes-là de réussir. S'ils ne font pas ça, ils vont échouer. Puis deux, les gars qui veulent aller avec des nouvelles franchises n'iront pas avec des franchises. Voilà. C'est le nerf de la guerre. Donc, il faut que ces équipes-là donnent les moyens à des futures équipes d'expansion d'avoir un bon club de hockey dès la première année, puis de gagner des matchs comme tous les clubs, sans nécessairement gagner le championnat, non, mais d'avoir un très bon club de hockey pour que les partisans puissent aller voir leur équipe et avoir du plaisir. Joël Bouchard, c'était pas le secret pour les chinelles. Quand ça traînait à Laval, on savait très bien que ça allait être lui qui allait diriger. On attendait rien que la fin de l'Armada, hein? Écoute, moi, j'étais pas sûr qu'il serait nécessairement l'instructeur-chef du Rocket de Laval. Mais on savait très bien qu'il s'en allait dans l'organisation du Canadien de Montréal. Est-ce qu'il aurait devenu un des bras droits de Marc Bergevin? Moi, j'avais des doutes là-dessus pour une raison. Joël connaît beaucoup de succès au niveau du junior. Oui, il y a des bons contacts au niveau Hockey Canada. Mais de là à dire qu'il va devenir l'adjoint au DG de la Ligue nationale, qui connaît tous les rouages, qui connaît tout le monde dans la Ligue nationale, les DG, ça prend plus de crédibilité que ça pour être capable de passer à travers ces gens-là. Donc, à ce moment-là, je doutais qu'il devienne l'adjoint principal de Marc Bergevin. Mais je pense qu'avec le Rocket de Montréal, où on va, bien entendu, bâtir en fonction du Canadien avec de jeunes joueurs, de bons vétérans, et Joël a une chose qu'il a, je pense qu'il va l'aider à faire ce travail-là. Il a vécu ce que c'était d'être un joueur qui fait la Ligue nationale, la Ligue américaine, la Ligue nationale, se promener entre les deux, comment les vétérans se sentent. Joël le fait pendant sa carrière de hockey. Il n'a pas connu une grande carrière dans la Ligue nationale. Il a fait les deux. Donc, il est capable de comprendre comment un bon vétéran se sent en évoluant dans la Ligue américaine, comment il se sent un jeune joueur junior. Et deux, il connaît les gars qui sortent du junior à 20 ans. Il est avec ces gens-là. Moi, je pense que le Rocket a fait une bonne acquisition. Et Joël était prêt à passer à une autre étape. Ça faisait quand même plusieurs années qu'il était avec l'Armada. Il a connu du succès. Et moi, je pense qu'il était à l'étape de sa vie de dire, là, je monte. Deux, le Marc Bergevin ne l'a pas dit ouvertement, mais on sait très bien que la longévité d'un instructeur-chef dans la Ligue nationale avec un club, quand tu as passé 4-5 ans dans la Ligue, c'est le temps qu'il y ait un changement. Ah, ouais. Puis Marc Bergevin le dit dans son point de presse, à Montréal, il est sine qua non que le coach ne parle pas français. Mm. C'est clair. Ouais. Donc, à ce moment-là, moi, je pense que Joël, et même chose dans le cas de Dominique Ducharme. Dans le cas de Ducharme, il est là pour une raison dans la Ligue nationale, c'est que lui, il n'a pas vécu le côté joueur Ligue nationale ou Ligue américaine. Lui, c'est un instructeur bâti de la base qui s'est monté avec toute la technique. Joël est le gars qui sait comment ça se passe dans les clubs professionnels. Il sait comment ça se passe dans la Ligue américaine. Donc, lui, son vécu, il n'avait pas besoin de le vivre. Je pense que Dominique Ducharme veut vivre ce que c'est le hockey professionnel, les vestiaires, les joueurs, les multimillionnaires. Donc, il va apprendre avec Claude Julien. À ce moment-là, un peu plus tard, si un jour on a besoin, il sera probablement prêt pour faire être instructeur chef ou bien, avec Joël, faire un duo d'instructeurs avec le Canadien de Montréal. Est-ce qu'ils vont repêcher plus des joueurs de la Ligue du Québec avec Duchamp? Moi, il n'y a aucun doute. Oui, hein? Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute parce que le succès à Laval, ça passe par la Ligue junior majeure du Québec. Deux, il y a une chose qu'il faut regarder, le Canadien de Montréal. Le Canadien n'a pas les moyens de se mettre la Ligue junior majeure du Québec à dos. Parce que les partisans de la Ligue junior majeure du Québec sont à 80% des partisans du Canadien de Montréal. Donc, à ce moment-là, quand ils repêchent aucun joueur du Québec, rappelons-nous des bonnes années que le Canadien repêchait au Québec. Après la quatrième ronde, là, il repêchait un des joueurs du Québec. Ben, c'était Serge Chavard qui avait dit à l'époque. Exact. À partir de ce moment-là, je sais que moi, en cinquième ou sixième ronde, un gars de l'Ouest, un gars de l'Ontario ou n'importe où, c'est à peu près du même calibre, ça n'a pas grande différence. Alors qu'un Québécois, ben, il y a des chances que s'il perce, écoutez, on a laissé passer des Marchessault, des Johan Gourde. On n'a pas le moyen. Ces gars-là figurent comme des joueurs vedettes actuellement dans les séries de finale de Coupe Stanley, alors qu'ils auraient pu facilement être ramassés par le Canadien en cinquième et sixième ronde et avoir ça dans le club de hockey. Actuellement, malheureusement, il y a... Semble-t-il que c'est quand Alex Barry-Boulet, ils l'ont perdu, que là, Jeff Molson a remis son poing sur la table. J'écoutais Mario Langlois. Hey, Phil, il y a beaucoup de sujets encore. Deux autres sujets. Oui. David Bernet. Oui. Moi, je suis surpris, je l'ai entendu hier. Écoute, on savait que ça allait finir demain, en Europe probablement, mais la KHL, je pensais, moi, que David, la Côte d'Arnais, je l'aurais vu plus en Suisse. Mais écoute, moi, je pense qu'il se paye des meilleurs salaires en Russie actuellement. Oui, mais la qualité de vie. Un joueur de la qualité de D'Arnais. Ouais. Il se paye de meilleurs salaires là. À ce moment-là, il a voulu évoluer dans la deuxième meilleure ligue après la Ligue nationale de hockey, qui est la KHL. Et deuxièmement, moi j'ai l'impression que Talbot, qui est un ami avec Desharnais, a joué un rôle important là-dedans. Probablement qu'il lui a vanté l'idée de dire que là-bas, la vie, comment il était traité, comment l'équipe allait, les chances de gagner et tout. Et moi je pense que David va avoir l'opportunité d'aller jouer au moins une année là-bas pour voir un peu comment ça se passe, ramasser ce qu'il a ramassé. Parce que là, il se sentait très bien qu'il était sur troisième et quatrième trio, malgré que je regarde ses statistiques qui sont très bonnes avec les Rangers de New York pour un gars qui avait 8 à 10 minutes par match. Mais David est à la carrière où il est rendu à trentaine d'années. Il veut pas jouer 5-6 minutes par match. Non. Il veut jouer des 15, 16, 17 minutes parce qu'il est encore en pleine forme et c'est encore un talent. Deux, en Europe, il y a des bons joueurs de hockey, mais des fabricants de jeux de la qualité de David Desharnais, il n'a pas à tonne. Et David est un passeur exceptionnel. Écoutez, Pacioretty a marqué 40 buts les dernières années quand il était avec David Desharnais. Mais David est parti, il n'a pas marqué 40 buts. Mais c'est vraiment un joueur d'exception quand on parle de passeur dans le cas de David Desharnais. Et moi, je trouve que, écoutez, il veut vivre cette expérience-là. C'est une belle occasion d'aller faire ça. Puis je suis convaincu qu'il va être très heureux là-bas. Hier, il était en entrevue à Mario Langlois au 98.5. Puis... Il a dit, je voulais jouer juste un match dans ma vie, dans la Ligue nationale, puis j'en ai joué 500. C'est quand même une belle carrière, pareil, pour un gars que, hein? Écoutez, il était dans la East Coast. Ouais. Ce gars-là, il vivait en appartement avec 4-5 gars, il gagnait 600-700$ par semaine, et personne, tu sais, parlait de lui. Tout à coup, il a brûlé la East Coast, parce que c'est succès. Mais on l'a fait signer un contrat de Ligue américaine après. Il est monté là, personne encore croyait qu'il est là. Il est arrivé dans la Ligue américaine, il a brûlé la Ligue américaine. Et là, on a monté en Ligue nationale, puis écoute, Il n'a jamais été repêché. Personne ne croyait. Non. Il a fait une belle carrière dans l'international. 500 matchs, là. Ouais. Il n'y a pas grand joueur qui. Tu sais, c'est pas une tonne de joueurs qui vont jouer autant. Et il a connu du succès comme joueur avec le gabarit qu'il avait, là. Mm. Donc, moi, je pense que David, il peut dire mission accomplie comme carrière de hockey. Il a ramassé assez de sous pour être à l'aise financièrement pour le reste de ses jours. Donc, bravo. Moi, puis David, je l'ai bien connu avec les Saguenayens. Ouais. C'est un joueur qui brouille pas l'eau, qui brasse pas personne, qui fait son travail de façon honnête. Puis je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il va bien réussir dans KHL. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Phil, en terminant, Jerry, le numéro 3 de la Ligue nationale, Jeremy Jacobs, a dit que Québec était un marché énormément petit, qu'il y avait de gros doutes pour l'année, que ça va être difficile. Tu l'as entendu comme moi, les propos, là? Oui. Moi, je vais te compte, je vais te poser une question. Est-ce qu'on sait compter une belle histoire pour on s'y est cru? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Parce que dans le fond. Oui, je comprends. Puis c'était logique qu'on se compte les histoires, là. Rappelle-toi, en 2011, les Coyotes de Phoenix étaient en difficulté. TVA Sport arrive. Écoute, là. Puis le centre Vidéotron se bâtit. C'était normal qu'on se pose des questions, mais dans le fond, est-ce que c'est compté des histoires qu'on s'est cru? Je compare avec les Expos. Le Robert Manfred n'aurait pas parlé de Montréal, mais Gary Bettman n'a jamais parlé de Québec. Moi, personnellement, là, je pense que les autorités de la ville de Québec, M. Lebaume en tête, ouais. Et peut-être les gens de Vidéotron, ont dit c'est une opportunité de bâtir un nouvel amphithéâtre, mais ça nous prend un bon anan au bout pour convaincre tout le monde qu'on doit embarquer là-dedans, que les gouvernements doivent embarquer là-dedans. On a embarqué de dire la possibilité du retour de la Ligue nationale à Québec. À partir de là, tout le monde savait que s'il y a une possibilité, ça prend un amphithéâtre neuf. On s'est servi, à mon avis, là, je dis bien que c'est bien personnel, on s'est servi de cet argument-là pour convaincre les instances gouvernementales d'investir au-delà de 300 millions à Québec pour bâtir un nouvel amphithéâtre. Donc, écoute, ils ont embarqué là-dedans. Québec, on sait très bien que effectivement c'est un petit marché. C'est un marché également où l'emploi est à pleine capacité à Québec, mais ce sont des fonctionnaires dans 60-70%. C'est pas juste ça, Phil. C'est comme moi, Danny, paire de billets de saison à Québec, ça va coûter 14, 15, 16 000 piastres. Mm. Est-ce que les gens ont le moyen de se payer une paire de billets de saison? À Montréal, les billets, c'est 80-85%, c'est des compagnies qui ont des billets de saison. C'est pas un particulier comme moi pis toi, Danny. Mm. Moi, j'aime bien le hockey, mais je me paierai pas tous les soirs avec ma blonde 300 piastres pour 600 piastres parfois pour aller voir un match de hockey de la Ligue nationale. Ben tu peux bien y aller une fois dans l'année, mais tu n'iras pas régulièrement 35 matchs. Moi, je pense que c'est un peu ça qu'ils disent que la ville de Québec, malheureusement, le bassin de population et tout. Hier, j'écoutais Pierre-Carl Péladeau qui lui disait « Faut penser pas qu'au marché de Québec, c'est l'environnement, c'est tout ce qui regarde autour. » C'est sûr que les droits de télévision, puis tout le Québec au complet, puis le Saguenay-Lac-Saint-Jean fait partie de l'environnement de... Mais il consomme avec le Canadien. Mais il consomme avec le Canadien. Oui, il consomme avec le Canadien. Tu sais très bien que le Canadien, c'est les rois et maîtres au Québec encore, puis c'est encore ça, et je pense qu'on ne changera pas ça demain matin, là. Oui, mais il faut être deux pour se marier, hein. Je reviens toujours ce que tu as dit, Gary Bettman, il s'est jamais présenté à Québec, puis il se présente à Seattle, il se présente à Las Vegas, il se présente partout, puis à Québec, il est jamais venu, je suis même pas sûr qu'il a vu l'amphithéâtre. Bill Daly l'a vu, mais Gary Bettman l'a même pas vu. Mais Danny, c'est pas une question qu'il l'ait vu ou pas, là. Ouais. Moi, je pense que, quand tu regardes ça, probablement que les autres, ils prétendent que Québec, pour l'instant, moi je pense que Québec, pour eux autres, c'est un marché qui va être là pour dépanner si un jour il y a vraiment une franchise qui est en danger et qu'ils n'ont pas de place pour la mettre dans l'Est. Moi, je pense qu'à ce moment-là, exemple, en Caroline, si vraiment le propriétaire qui vient d'acheter la Caroline dit après 2 ans, « Hey, moi, là, je manque des millions, je déménage ou je vends mon club, qui est acheteur? » Il n'y a pas des tonnes de villes dans l'Est qui pourraient être disponibles. Dans l'Ouest, il y a des grandes villes. Tu sais, Seattle, c'est une grande ville. Las Vegas, c'est une grande ville. Houston, c'est une des villes les plus importantes à travers tous les États-Unis. Donc, il y a des marchés disponibles, il y a de l'argent là-bas, les droits de TV rentrent en ligne de compte, et la visibilité américaine, ben là, faut admettre qu'on a un 6 marchés canadiens, puis il y en a 25 et plus qui sont américains. Donc, il faut vivre avec ça, puis être convaincu que, malheureusement, l'expansion Je pense pas que ça passe par Québec, nécessairement. Non. Phil, un gros merci encore une fois cette année pour ta collaboration. C'est la dernière de cette année. Évidemment, c'est ta saison de golf qui commence. Généralement, quand tu commences à golf, tu arrêtes tes collaborations, puis c'est bien correct de même. S'il y a quelque chose de gros, on va s'en reparler durant l'automne, durant l'été. Normalement, tu vas revenir avec nous autres à la fin du travail. Oh, on s'en reparlera, mon ami. Ça me fait plaisir toujours de communiquer avec toi. Oui. Phil Desgagnés, notre collaborateur.